Il y a plus de 500 millions d'années se développaient nos très très très lointains ancêtres durant une période qu'on qualifie parfois de Big Bang de la vie. Cette explosion cambrienne est toujours considérée comme un sursaut inégalé de la vie. Pourtant, les causes qui ont provoqué ce boom évolutif sont encore troubles. Troubles comme l'étaient les eaux peuplées de trilobites, d'hallucigenia ou d'anomalocaris, qui ont contribué avec toute une foule d'autres espèces à l'émergence de structures anatomiques essentielles au développement des lignées animales actuelles. Explosion cambrienne, quand la vie fait boum, c'est le programme explosif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce Big Bang de la vie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Janvier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre de recherche en paléontologie de Paris et membre de l'Académie des sciences. À nos côtés également, Jérémy Bardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'études en traitement des données paléontologiques au Centre de recherche en paléontologie et président de la Société française de systématique. Mais avant de retourner dans le très lointain passé, il est l'heure de retrouver le bouillonnement présent de l'actualité scientifique avec vous, Natacha Triou, pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans The Lancet Regional Health Europe, une étude qui porte sur les symptômes persistants du Covid long. La problématique actuelle avec le Covid long, c'est que les symptômes, excepté la perte de goût et d'odorat, sont des symptômes qui sont très peu spécifiques à un état de santé particulier. Être fatigué ou être essoufflé, ça peut se retrouver dans tout un tas de pathologies. Une équipe INSERM s'est posé cette question. Est-ce qu'il y a des symptômes persistants plus fréquents chez les personnes qui ont eu le Covid? Les chercheurs ont alors travaillé avec une cohorte en population générale, c'est-à-dire avec tout le monde, ce qui permet de voir, à l'échelle d'une population, quel est l'impact d'une maladie. Alors, grâce à la cohorte Constance, les 26 000 participants ont répondu à des questionnaires dès la première vague, puis 8 mois plus tard, et ils ont passé des tests sérologiques. Ce travail prouve que dans cette infection, il existe un surrisque de développer certains symptômes persistants. Olivier Robineau est maître de conférence en maladies infectieuses à l'Université de Lille et à l'hôpital de Tourcoing, il est le co-auteur de cette étude. On a essayé de comparer des groupes en fonction de leur histoire pendant l'année 2020. Et donc, on a comparé des gens qui ont fait des épisodes viraux aigus et qui ont eu une sérologie positive. Donc, on peut assimiler ces gens à des gens qui ont fait un Covid. On les a comparés à des gens qui ont eu des épisodes un peu viraux également pendant la première vague, mais qui avaient une sérologie négative. Donc, on peut dire que c'est des gens qui ont probablement fait d'autres types d'infections virales à ce moment-là. Et on a également un groupe de personnes qui n'ont pas fait de symptômes à ce moment-là, mais qui ont une sérologie positive, donc ce sont des asymptomatiques. Et on a enfin un groupe qui n'a pas fait de symptômes pendant la première vague et qui a eu une sérologie négative après. Donc on peut dire que ce sont des gens qui n'ont pas eu d'événement viral infectieux pendant cette période-là et qui n'ont pas été en contact avec le virus. Et donc on a pu comparer ces différents groupes et donc on a montré qu'il y avait au total peu de différences, mais dans les symptômes présentés, il y en avait certains qui étaient plus fréquent chez les personnes qui ont fait le Covid par rapport aux autres groupes. Et donc, on a vu qu'il y avait un sur-risque de fatigue, un sur-risque d'anosmie, évidemment, et un sur-risque d'essoufflement chez les personnes qui ont fait le Covid. Alors là, on a l'impression que ce qu'on dit, c'est des évidences, parce que maintenant, beaucoup de gens commencent à connaître le Covid long, et ils disent, bah oui, le Covid long, c'est ça. Là, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a des petites différences entre les gens qui ont fait une infection par le SARS-CoV-2 avec une forme initiale symptomatique, par rapport à des gens qui ont eu des symptômes viraux un peu similaires sans infection par le SARS-CoV-2. Ce qui veut dire que globalement, les plaintes sont assez similaires, mais il y a 2-3 éléments qui sont plus fréquents chez des gens qui ont fait le Covid. La deuxième partie de cet article démontre en fait qu'il y a vraiment un lien entre la persistance de symptômes et le fait d'avoir fait des symptômes à la phase aiguë de l'infection. Et donc, on sait que la vaccination diminue le nombre de symptômes de la phase aiguë, voire même rend les infections complètement asymptomatiques, ou alors même empêche l'infection. Et donc, on peut raisonnablement penser que si on diminue le nombre de symptômes ou l'intensité des symptômes de la phase initiale, il y aura moins de risques de présenter des symptômes à distance. Tout ça, ça concorde avec le fait de dire que la vaccination protège évidemment de l'infection par le SARS-CoV-2, mais si on fait une infection par le SARS-CoV-2, probablement que les symptômes persistants seront moins fréquents, ne serait-ce déjà par le fait qu'il y a moins de symptômes à la phase initiale. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Nature, nous aurions découvert un trou noir dans l'univers jeune qui nous éclaire sur les origines des trous noirs supermassifs. Oui, dans les archives du télescope spatial Hubble, une équipe danoise a fait la découverte de GNZ-7Q, un trou noir à croissance rapide, encore obscurci par le noyau poussiéreux de sa galaxie, alors que l'univers n'avait que 750 millions d'années, donc très peu de temps après le Big Bang. Les équations théoriques et les simulations informatiques avaient déjà prédit l'existence d'un tel objet dans l'univers jeune, mais c'est la première fois qu'on en observe. Selon les auteurs, nous pouvons considérer GNZ-7Q comme le chaînon manquant entre les jeunes galaxies en formation et les quasars. En bref toujours, selon une étude parue hier dans la revue Science Advances, nous aurions peut-être mis la main sur la plus ancienne preuve d'un calendrier maya. Oui, la découverte fait la couverture du numéro de Science Advances. Au Guatemala, les archéologues ont découvert sur le site de fouilles maya de San Bartolo deux fragments de peinture murale qui proviennent du complexe pyramidal de Las Pinturas. Les symboles représentent le septième jour du cerf, qui est l'un des 260 jours du calendrier maya utilisé dans toute la Mésoamérique. Les datations au radiocarbone indiquent que ces peintures sont vieilles de 300 ans avant notre ère. Les plus anciennes preuves remontaient à 150 ans avant notre ère. Le peuple maya aurait donc peut-être utilisé ce calendrier plus tôt qu'on ne le pensait. Et enfin, selon une prépublication parue sur BioArchive, certains virus pourraient nous aider à vaincre l'acné. Et ces virus, ce sont les bactériophages, des virus tueurs de bactéries. L'acné peut être provoqué par Cutibacterium acnes, une bactérie de la flore cutanée. Et il se trouve qu'à force d'utiliser des antibiotiques, Cutibacterium acnes a développé une résistance au traitement. Des chercheurs israéliens ont isolé 8 souches de bactériophages qu'ils ont testées in vitro contre cette bactérie. Puis, sur des souris acnéiques, les chercheurs ont associé cette phagothérapie, cette thérapie par les phages, à des antibiotiques. Ils sont parvenus à totalement éradiquer la bactérie. Selon les auteurs, l'application de phages sur la peau pourrait aider à traiter cette maladie dermatologique. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. C'est une période qui a vu naître les premiers cténophores, les phoronidiens, les onychophores, mais aussi les tardigrades, les arthropodes, les nématodes ou encore les échinodermes. Quelques noms fleuris pour désigner des espèces qui se sont développées lors de l'un des événements les plus importants pour la vie et les écosystèmes sur Terre, l'explosion cambrienne. Ce sursaut fait suite à un processus évolutif caractérisé par une sorte de lenteur et il pose d'une certaine façon des jalons essentiels pour l'évolution de la vie sur Terre sans que l'on puisse déterminer avec certitude les causes qui ont provoqué cette soudaine évolution. Nous allons voir aujourd'hui comment ce Big Bang de la vie, comme on le caractérise, a ancré les grands principes de fonctionnement des écosystèmes actuels grâce à tout un tas d'innovations biologiques survenues en un temps relativement court sur l'échelle des temps géologiques. Et pour plonger dans les temps cambriens, je vous propose d'écouter une archive. On y entend le paléobiologiste Jean Vanier. C'était sur France Culture dans Continent Science en 2004. Apparemment, les événements principaux qui concernent donc l'explosion cambrienne, ça se passe entre 540 et 520 millions d'années à peu près. Mais donc, pendant cette période-là, on a une grande diversité d'animaux, de plans d'organisation différents. Mais si on descend plus bas dans l'échelle géologique, on s'aperçoit qu'il y a très peu de choses finalement. À la base du cambrien, donc avant l'apparition de ces animaux complexes, on a par exemple ce qu'on appelle, en jargon paléontologue, les small shelly fossils, qui sont des tout petits fossiles, micro-fossiles, qui sont pour certains des plaques de protection d'animaux plus gros, pour d'autres des petits animaux qui ressemblent à des gastéropodes ou dont on ne connaît pas exactement les affinités. Donc ça c'est une chose. Si on descend encore un petit peu plus bas, cette fois-ci dans le précambrien, on a la célèbre faune des Diacara, donc qui est constituée d'animaux vraiment différents des animaux que l'on connaît dans la nature actuelle. Vraisemblablement, ce sont des animaux formés d'un seul feuillet, peut-être qui abritait des algues photosynthétiques, on ne sait pas exactement. En tout cas, ce sont des animaux qui n'ont pas d'organes très complexes et qui sont vraiment très difficiles à rattacher aux lignées qu'on connaît actuellement. Et puis, on a également des traces fossiles, des traces laissées par des animaux que l'on ne connaît pas, qui peuvent nous indiquer la présence de tel ou tel groupe dans le précambrien, mais là, on n'a pas beaucoup de détails non plus. Voilà, Philippe Janvier, on entendait à l'instant la voix de Jean Vanier qui disait « Avant l'explosion cambrienne, finalement, il y avait plutôt peu de choses. J'aimerais, pour que nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de ces temps très lointains, que vous nous décriviez le paysage du monde avant l'explosion cambrienne. À quoi ressemblait la géographie, la topographie de cette planète Terre il y a plus de 540 millions d'années? Avant l'explosion cambrienne, bon, c'est la période des diacariens. Et là, la Terre était à peu près, je dirais, comme maintenant, sauf que c'était un environnement marin. Et les animaux qui étaient présents dans ce gisement des Diacaras, ce célèbre gisement des Diacaras, qui sont assez mal connus, préfiguraient un petit peu les animaux qui allaient venir arriver au moment de l'explosion cambrienne. Et effectivement, il y avait des animaux extrêmement bizarres, comme par exemple Dickinsonia, qui étaient qui ressemblaient un petit peu à des espèces d'énormes matelas pneumatiques. On ne sait pas du tout comment ils vivaient, on ne sait pas du tout quelle était leur structure, parce que la plupart des faunes des Diacaras sont constituées de fossiles qui sont en forme d'empreintes. Mm-hmm. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de structure osseuse. Pas de structure osseuse. Mm. On n'a pas encore de. Alors, il y a quelques petites traces de structure osseuse qui apparaissent dans les diacariens de Russie, mais mm-hmm. c'est pas évident. Et alors, c'est aussi à la fin des diacariens qu'on voit apparaître les premiers organismes capables de faire des coquilles, non seulement des coquilles, mais aussi s'enfermer dans des espèces de tubes calcaires. Et donc il y avait probablement un début de prédation. Mmh. On trouve par exemple des formes comme Cloudinia, qui sont peut-être des vers enfermés dans des tubes, un petit peu comme les tubifex actuels. Et dans lesquels on a des perforations. Donc il y avait un ennemi qui les attaquait, mais on ne sait pas lequel. Mmh. Et là, on a vraiment tout à fait le début de la prédation. Alors, Ediacara a été présenté par des collègues américains, les McMenamin, qui parlaient de l'Éden. Le jardin d'Éden des Diacaras. Les Diacaras, c'est en Australie, enfin c'est vers l'actuelle Australie. Voilà, c'est ça, oui. Parce qu'ils pensaient que c'était un endroit merveilleux, où l'eau était chaude et agréable, et il n'y avait pas de prédateurs. Donc le fond marin était recouvert d'un petit tapis d'algues, c'était des microbialites, plutôt des tapis bactériens, qui étaient broutés régulièrement par des bêtes comme justement Dickinsonia. Dickinsonia, auquel on avait consacré une émission, et on vous avait reçu même à cette occasion il y a quelques années de cela. Jérémy Bardin, bon, je parlais de l'Australie, je commets un anachronisme, puisque les continents n'étaient pas du tout répartis de la même façon qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 millions d'années. On évoquait cette lenteur, ce lent développement de la vie avant l'explosion cambrienne. Est-ce que ça peut être dû éventuellement à des conditions biogéochimiques qui n'étaient pas totalement réunis pour une explosion de la vie comme on l'a vu au moment du Cambrien? Voilà, est-ce qu'on manquait d'oxygène? Est-ce que les océans étaient trop chimiques? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des conditions comme ça qu'on peut caractériser d'hostiles, on va dire? Alors, en effet, à ce moment-là, déjà oui, les continents, enfin, on pense qu'il y a un grand continent qui est plutôt centré sur le pôle sud, et en effet, à ce moment-là, le continent c'est très minéral, hein, il n'y a pas vraiment de vie, mais pas du tout. Mm-hmm. Et puis, à ce qu'on voit de cette période-là et de la répartition des organismes, alors ça semble réparti quand même assez largement sur la planète déjà, parce qu'il faut quand même penser que la vie n'est pas arrivée à ce moment-là. La vie a commencé plusieurs milliards d'années. Voilà, donc évidemment, il y a déjà de la vie à plein d'endroits. Après, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vie multicellulaire, ce développement des animaux et tout ça. Donc, on sait quand même que la plupart de cette vie semble se développer à des endroits avec des caractéristiques assez précises. Alors on va reparler de l'oxygène parce que vous l'avez mentionné, et c'est une grande question. Pour l'instant, on pense que de base, les organismes préféraient plutôt des concentrations d'oxygène assez basses. On pense que c'est un petit peu l'état basal de la vie. C'est plus facile de développer ces organismes-là quand il y a peu d'oxygène. Et Et donc oui, à cette période-là, il y avait moins d'oxygène et on arrive à dater une augmentation de l'oxygène dissous dans les océans à peu près à cette période-là. Donc c'est une des hypothèses. C'est une des hypothèses qu'on développera sûrement après. Bien sûr. Alors on va en reparler aussi, mais un petit peu avant ou de manière contemporaine aux prémices de ces événements, on observe des glaciations assez importantes qui potentiellement couvrent une grosse partie de la Terre. Et au moment où ce qu'on appelle le Snowball Earth va se terminer, et on va réchauffer la planète, donc les continents qui se fragmentent à ce moment-là vont certainement être lessivés par la fonte des glaces et certainement changer en partie la géochimie de l'océan. Apporter des nutriments. Et donc ça fait partie des hypothèses qui permettrait d'expliquer le déclenchement de cette explosion cambrienne. C'est important de rappeler qu'il y avait une biodiversité qui précédait l'explosion cambrienne et que tout ça n'est pas né de nulle part. Philippe Janvier, ce qui est intéressant quand on évoque les diacariens, c'est qu'il y a tout de même, à ce moment-là, je crois, vers 544 millions d'années, si mes souvenirs sont bons, une mini-extinction. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant cette explosion cambrienne et pourquoi est-ce qu'il y a eu une espèce de petite extinction? Il y a effectivement, les diacariens, il y a eu une petite, très légère extinction. On n'a pas du tout d'explication pour cette extinction. Mais c'est peut-être parce que on n'a pas d'explication parce que les gisements diacariens sont assez rares. C'est ça le problème. De gisements, on va sauter à deux pieds joints dans les gisements qui nous intéressent, ceux de l'explosion cambrienne. Ce sera juste après ça. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Nous parlons tout au long de cette heure de l'explosion cambrienne et Jérémy Bardin, j'aimerais comprendre ce qui nous a mis sur la piste de la compréhension de cette explosion du vivant, cette explosion évolutive qui a eu lieu vers 540 millions d'années environ. Quels gisements ont été découverts qui ont fait comprendre aux scientifiques que s'était passé un événement totalement brutal qu'on a qualifié de façon un peu facile le Big Bang de la vie? Alors, à vrai dire, on retrouve des fossiles, les premières découvertes des fossiles qui seront clés dans la compréhension de ces événements-là, on les retrouve, disons, dès la fin du 19e siècle, peut-être même avant. Simplement, au départ, on a du mal à les interpréter. Oui, parce que Darwin lui-même était plutôt opposé à l'idée d'une explosion du vivant, il était plus pour une évolution graduelle, si je comprends. Oui. Alors justement, c'est marrant que vous en parliez, ça a été qualifié de dilemme de Darwin. Mm-hmm. Parce que Darwin, dans son modèle, il y avait l'idée que quand des espèces divergent, leur différenciation va nécessiter du temps, de l'accumulation de variations qui seront sélectionnées, etc. Donc, dans ce modèle de pensée, on a une évolution qui est assez graduelle, qui tend vers la complexité. Et quand on observe ces premiers gisements avec cette diversité absolument phénoménale et qui préfigure déjà ce qu'on connaît aujourd'hui, Darwin, ça l'embête bien. Et il écrit même dans L'Origine des espèces que c'est un des freins à l'acceptation de sa théorie. Mmh. Donc, le premier gisement important qui va être découvert par Walcott, un paléontologue américain très connu, et qui, c'est le fameux schiste de Burgess. Voilà, donc ça c'est en Amérique du Nord. Ouais. Voilà, et donc Walcott sort avec d'autres énormément de fossiles, on comprend pas tout de suite à quel point c'est un gisement qui va être fondamental pour la compréhension. On a besoin de le dater de manière plus précise, etc. Mais en tout cas, c'est certainement même s'il va être réinterprété plus tard, c'est ce gisement qui va mettre la pierre de l'énigme que va former cette explosion cambrienne. Philippe Janvier, comment on peut expliquer que ces gisements-là, donc qui sont découverts au début du XXe siècle, aient pu être conservés de façon aussi propre, aussi nette? Est-ce qu'il y a des phénomènes géologiques qui ont permis à ces fossiles-là d'être dans des états de conservation idéaux? Oui, alors ce qui est vraiment unique dans le cas de Burgess et de Shenzhen, en Chine, c'est la conservation des structures molles. C'est-à-dire qu'on a des quantités d'animaux mous, au corps mou, qui n'ont pas de squelette minéralisé, pas de coquille, et qui sont conservés grâce un film protecteur, c'est-à-dire en fait, c'est quand les Burgess s'est formé de la manière suivante, c'est une falaise sous-marine qui s'est effondrée, qui a créé une épouvantable turbidité, et les animaux ont été asphyxiés lors de la chute de cette falaise. L'eau était très trouble et ils sont tombés au fond de la falaise, au bas de la falaise, et immédiatement ils ont été recouverts de bactéries. Par des bactéries qui les ont protégés de la décomposition. Donc on a pratiquement des photographies, c'est comme des photocopies de ces organismes, de tous ces organismes au corps mou, ces vers, ces précurseurs des vertébrés, etc., des poissons. Et ont été conservés de cette manière-là. Donc c'est en cela que c'est vraiment un gisement unique, et c'était la même chose à Shenzhen. Shenzhen, parlons-en justement, Jérémy Bardin, cet autre site emblématique et mythique pour la compréhension de l'explosion cambrienne. Où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qu'on y a trouvé? Pourquoi ce site aussi est, à l'image des schistes de Burgess, un site emblématique et capital pour la compréhension de cette révolution évolutive? Shenzhen, donc c'est en Chine, plutôt au sud de la Chine. C'est comme l'a dit Philippe, mais tu compléteras parce que tu connais, t'as bossé sur ce site. Mais c'est un site qui est particulier parce qu'on retrouve énormément de fossiles, d'énormément de groupes différents. Alors, il précède dans le temps Burgess d'environ 15 millions d'années. Environ 15 millions d'années. Et on trouve, les affleurements sont en termes de surface énorme. Donc, on a pu sortir des quantités de fossiles énormes. Donc, comprendre aussi un peu, avoir une idée de la variabilité des populations de ces espèces. Il y a aussi des préservations de juvéniles, donc qui ont permis aussi de comprendre un peu le développement de ces organismes. Parce qu'on va en reparler, mais le développement, c'est un petit peu un des points clés de cette période-là. Donc, c'est un instantané absolument merveilleux. Et comme certainement, on en a tant finalement par la suite, parce que faut quand même voir que ce qu'on appelle les fossiles d'Agerstätten, qui sont des sites de préservation exceptionnels, à l'Édiacarien et au Cambrien, on en a 2 à 3 fois plus que dans n'importe quelle période subséquente. C'est-à-dire, c'est vraiment, et alors ça, c'est énigme. Pourquoi on a plus de préservation exceptionnelle? Il y a quand même des réponses, mais on en parlera après. Tout à l'heure. Philippe Janvier, sur ce site sur lequel vous avez travaillé, ce site de Shenzhen en Chine, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en complément de ce que vient d'en dire Jérémy Bardin? Ce que je peux en dire, c'est que c'est un aparté historique. Ce site a failli être découvert par des Français en 1910, lorsqu'on a construit la voie ferrée entre Hanoï et Kunming, et ça s'appelait Yunnanfu à l'époque, et on a creusé à l'endroit de ce site, et on a trouvé des fossiles qu'à l'époque on avait reconnu comme les fossiles découverts par Monsieur Walcott en Colombie-Britannique. Donc il y avait déjà eu une parenté établie. On a tout de suite fait le lien. Après c'est tombé dans l'oubli et ça a été redécouvert par les Chinois dans les années 60, quelque chose comme ça. C'est un site absolument stupéfiant avec des conservations exceptionnelles, extraordinaires. L'animal le plus étrange et le plus beau, c'est Diania, qu'on appelle Diania cactiformis, qui était en fait un parent d'un lobopode, mais qui ressemble à un cactus. Quand il a été découvert, on croyait que c'était un cactus ramifié, un animal extrêmement bizarre avec des espèces de crochets partout et des crochets au bout des pattes. Et c'est apparenté au lobopode actuel, c'est-à-dire aux onychophores. Oui. On va partager bien sûr une illustration de cet animal étrange sur le fil Twitter de l'émission. Concernant l'explosion cambrienne, Jérémy Bardin, on l'a compris, on parlait des schistes de Burgess et de ce site de Shenzhen qui n'ont pas été colonisés à la même période. Alors parlons de chronologie justement. Comment est-ce qu'on peut borner cette explosion cambrienne dans le temps? Est-ce qu'on a des bornes chronologiques nettes, ou bien est-ce que c'est encore assez discuté? Alors, c'est un des grands sujets de comprendre quand ça se passe et à quelle vitesse. Est-ce que c'est si explosif que ça, ou est-ce que c'est une série d'explosions, ou est-ce que c'est un continuum? Bon, d'abord, les roches dans lesquelles on trouve ces fossiles, on les date les unes par rapport aux autres. On fait des corrélations, on essaye de savoir quel site est avant quel autre, bref, pour pouvoir avoir une chronologie et avoir une image la plus complète et dans le temps et dans l'espace de ces formes de vie. Ensuite, on est capable, grâce à des éléments radioactifs, de dater la formation de ces sites. Donc là, ça nous permet ensuite d'ancrer cette chronologie relative avec des dates précises. Et on a des dates qui sont plutôt quand même assez contraintes. Disons que le gros de l'explosion cambrienne et l'arrivée des faunes qu'on sait reconnaître très bien, c'est entre, disons, 540 jusqu'à la fin du Cambrien. Mmh. Donc, ça ressemble vraiment à ce qu'on définit comme le Cambrien aujourd'hui. Et alors, avant, tout ce qu'il y a avant, les Diacariens, là aussi, on a quand même beaucoup de sites à travers le monde, plutôt bien datés. Et là, la grande question, c'est ces organismes-là, qu'est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'on les intègre ? Est-ce qu'ils sont déjà des représentants des groupes qu'on retrouvera après ? Et si oui, ça nous donne une chronologie de la diversification qui est assez différente. Sinon, alors ça met l'apparition des grands groupes que l'on connaît sur une période encore plus courte. Et ça, c'est le grand challenge de comprendre les relations phylogénétiques et de bien dater les choses pour comprendre comment ça s'est passé. Quand on parle de période courte en termes de temps géologique, c'est des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années maximum. Philippe Janvier, venons-en à un autre dilemme quand on parle de l'explosion cambrienne. Et bien sûr, on décrira cette faune magique tout à l'heure, mais on plante un peu le décor. Est-ce qu'on en sait plus ou quelles sont les principales hypothèses, principales théories pour expliquer ce boom évolutif qui a eu lieu il y a plus de 500 millions d'années ? Alors, il y a eu tout un tas d'explications plus ou moins fantaisistes, mais qui ont été proposées. Celle qu'on voit toujours apparaître et qu'on revoit dans les travaux de Stephen Jay Gould, qui a écrit son magnifique livre « La vie est belle », basé un petit peu sur Burgess, sur la faune de Burgess. Cette hypothèse, c'est que les gènes du développement des animaux ont changé. Enfin, se sont accélérés en quelque sorte. Et il y a eu d'accélération du développement des animaux et donc de la diversité. Ce qu'on appelle les gènes homéotiques. Voilà, c'est ça, les gènes homéotiques. Qui sont responsables de la structure, finalement. Exactement. D'accord. Exactement. Ouais. Donc ça fait partie d'une des théories. Ça, c'est une des hypothèses, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. L'une aussi est relative au changement du taux de la quantité de calcium dans l'eau de mer. Bon, c'est possible, ça a permis d'expliquer l'augmentation, la possibilité aux organismes de fabriquer des coquilles, ça c'est une possibilité. Et puis il y a également des quantités d'autres. Alors celle qui est retenue généralement maintenant, c'est que c'est une course, l'écosystème de Burgess, c'est une course aux armements. Armements évolutifs. Voilà, exactement. Quand un organisme inventait une carapace, il fallait que quelqu'un trouve le moyen de la percer d'une manière ou d'augmenter la taille des pinces ou des pattes pour arriver à l'attraper. Oui. Parce qu'on va le voir, c'est vrai que ce qui caractérise la période cambrienne, c'est vraiment aussi ce développement visible dans les registres fossiles de la prédation, ce qui n'est pas du tout le cas avant, où choses étaient plutôt placides. Tout à fait. Et finalement, peut-être que cette violence, entre guillemets, accrue a contribué à accélérer l'évolution. Voilà, c'est ça. Jérémy Bardin, si on poursuit un petit peu dans les hypothèses de cette explosion, des causes de cette explosion cambrienne, est-ce que vous voyez d'autres éléments qu'il faudrait mentionner ? Dans cette idée de la mise en place d'une complexité des écosystèmes, Philippe parlait de la prédation, mais on discutera après des organismes qu'on voit et de leurs habiletés à se mouvoir, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en effet, on passe plutôt d'organismes multicellulaires à les diacariens plutôt peu mobile, qui reste grosso modo sur la surface du sédiment. Et à mesure qu'on passe de l'Ediacarien au Cambrien, on voit les traces fossiles qui deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus nombreuses, plus profondes. On a du coup l'arrivée de la prédation, qui donc implique le fait d'avoir une carapace, c'est quand même mieux. Et donc en interaction avec ce, en fait, on passe quasiment d'une 2D à une 3D, ouais. Quoi. Genre, pour les fans de jeux vidéo, c'est la même révolution. Ouais. Mais écoutez, on fait bien monter la sauce en attendant et on va dans un instant, présenter un petit peu ce bestiaire si particulier de cette époque et on va présenter ce foisonnement et cette diversité qui apparaît. Ce sera juste après ça. Build your coffin of balsa wood. Spend all that you earn. When you go, you are gone for good. Never to return. Always to thine own self. Be true, not to fools like me, who change their minds for the sake of rhyming schemes. Au revoir, joie, bonjour, tristesse. Good times. Life on Earth par The Divine Comedy dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'un boom évolutif survenu il y a plus de 500 millions d'années, l'explosion cambrienne, et nous en parlons avec Philippe Janvier, directeur de recherche émérite au CNRS au Centre de Recherche en Paléontologie de Paris et membre de l'Académie des Sciences. Nous sommes également en compagnie de Jérémy Bardin, ingénieur d'études en traitement des données paléontologiques au Centre de Recherche en Paléontologie et président de la Société Française de Systématique. Et puisqu'on parle de fossiles de l'explosion cambrienne, on va aller en voir quelques-uns avec nos oreilles dans le reportage du jour. Pour ce reportage, j'ai donc rencontré Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle. On a fait un petit tour des collections du muséum et elle nous explique à quoi ce petit bestiaire ressemble. Alors, nous sommes dans la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Nous sommes au deuxième étage. Donc, nous surplombons les dinosaures, là, dans le troupeau. Et nous nous trouvons devant une vitrine qui expose, en fait, les toutes premières formes de vie que nous avons dans nos collections, c'est-à-dire du précambrien et du cambrien inférieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir l'accrétion de la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Et les toutes premières traces d'activité biologique, on va les retrouver aux alentours de 3-8. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment des fossiles, mais on a de la matière organique qui prouve qu'à cette époque-là, il y a eu de la vie. Les premières formes vraiment de vie, c'est ce qu'on va appeler les microbialites, c'est-à-dire que ce sont des formes microbiennes qui vont générer des films calcaires et que l'on va pouvoir observer. Donc des stromatolites, vous en avez par exemple ici dans cette vitrine. À quoi ça ressemble ? Alors, soit ce sont des films empilés, donc c'est très très stratifié. Alors soit ça peut être complètement plat, hein, linéaire, soit ça peut former des espèces de petites vagues. En fait, c'est sous cette forme-là en général qu'on les rencontre le plus souvent. Donc ces formes microbiennes, en fait, vont être photosynthétiques et donc vont transformer le CO2 en oxygène. Donc dans un premier temps, cet oxygène, c'est un déchet. Et ce déchet va devenir de plus en plus important. Donc toutes les formes de vie qui sont autour vont devoir s'adapter. Et c'est cet oxygène qui, par la suite, se libérera d'abord dans l'eau, puis ensuite dans notre atmosphère. Et donc ça va être un changement majeur dans l'histoire de la vie. Alors, ce qui va se passer autour de 1,9 milliard d'années, c'est donc l'apparition des eucaryotes et dans un même temps de la reproduction sexuée. Et ça, c'est une grande révolution, la reproduction sexuée dans l'histoire de notre vie, parce qu'en fait, ça va brasser le génome et on va avoir beaucoup plus de formes. Autre événement très important qui va se passer à ce moment-là et qui fait partie du Big Bang de l'évolution de la biodiversité, aux alentours de 1 milliard d'années, donc cet oxygène qui va être libéré par les cyanobactéries va donc se dégager dans l'air et ça va être vraiment un des grands départs de l'explosion de la vie sur Terre à partir de 600 millions d'années. Et c'est donc à partir de ces 600 millions d'années que l'on va avoir une évolution de la vie qui va aboutir grosso modo à celle qu'on connaît d'abord. Alors, les premières formes qu'on va avoir, c'est celle des diacaras. Tout le monde a entendu parler des diacaras. Vous avez par exemple ici dans cette vitrine des exemples tout à fait intéressants, en particulier les formes qui sont typiques, ce sont les dictionia. En fait, ce sont des espèces de galettes plates. Donc vous voyez que toutes les formes que vous avez là sont des formes qui sont aplaties, ou alors en forme de feuilles qui, lorsqu'elles seront fossilisées, seront elles aussi sous forme de plans dans une seule direction. Donc après cette forme des diacaria, qui est aux alentours de 635 à 540 millions d'années, on va avoir une deuxième grande révolution de la vie sur Terre, c'est l'apparition du squelette. Donc ce sera soit un squelette interne, soit un squelette externe, mais ça va permettre à l'ensemble des organismes de se dresser. Et à partir de là, on va avoir une modification complète des formes d'organismes sur notre planète. Bon, là, on est toujours en milieu marin, bien sûr. Et ensuite, on va avoir une succession de biotes tout à fait emblématiques qui vont marquer cette révolution cambrienne. Ça va d'abord être la faune de Shengjiang, qui est située dans le Yunnan, qui est datée aux alentours de 520 millions d'années. Celle de Sirius Pass en Australie, qui est à peu près du même âge. Et enfin, la faune du Burgess, aux alentours de 510 millions d'années. Burgess étant au Canada. Si on se concentre un petit peu sur la morphologie de ces fossiles-là, est-ce qu'on constate une évolution particulièrement notable dans leur forme, leur structure, entre ces deux passages-là que vous expliquez? Oui, tout à fait. Donc, ce que vous avez ici, donc, c'est sur les faunes des Diacaria. Des diacaras, on est vraiment sur des formes qui sont plates, hein, c'est des formes en deux dimensions, alors qu'aussitôt qu'on va passer sur les faunes de Shengjiang ou du Burgess, là on va avoir des animaux qui vont avoir des formes complètement différentes, et ça va être en particulier le royaume des arthropodes. Ces faunes vont être complètement dominées par les fameux trilobites, mais aussi avec d'autres formes comme Amalocaris ou des choses comme ça qui sont des arthropodes et qui donc déjà vont avoir une possibilité de prédation. Donc on va déjà complètement modifier la chaîne alimentaire à partir de ce moment-là. En termes de répartition géographique, d'où viennent ces fossiles majoritairement, ceux qui sont présents dans ces collections? Est-ce qu'il y a une zone particulièrement riche, particulièrement propice à la découverte de ces fossiles, ou bien est-ce que c'est assez réparti de façon homogène à la surface du globe? Alors, c'était peut-être réparti de façon homogène, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces faunes, ces formes, pardon, on ne les rencontre que de façon exceptionnelle. Ce sont des gisements à fossilisation exceptionnelle, c'est ce qu'on appelle des Lagerstätten. Et c'est pour ça qu'en fait, on a très peu de données sur ces faunes très anciennes. Parce qu'il faut des conditions exceptionnelles pour préserver des parties molles. Et ça, ce sera vrai tout au long de l'histoire de la vie. Pour préserver les parties molles, il faut vraiment des conditions exceptionnelles. Donc en fait, on a des spots, et Diacara, on a des spots comme Shengjiang, comme Sirius Pass, ou des choses comme ça. Mais entre deux, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et il faut vraiment des événements de fossilisation exceptionnels pour qu'on puisse retrouver tous ces ensembles de faune conservés. Voilà un petit aperçu des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle. Philippe Janvier, une réaction à ce que vous venez d'entendre et puis à ce passage de la 2D à la 3D qui est si significatif quand on parle de l'explosion cambrienne. Oui, tout à fait. Dès qu'on trouve un gisement de ces âges-là, parce que ça du cambrien à l'édiacarien, on rêve de trouver des animaux qui sont à peu près conservés en 3D, au moins déjà en 2D amélioré. Oui. On peut l'améliorer d'ailleurs avec les techniques actuelles d'imagerie. Mais enfin bon. Et effectivement, même on en cherche même en France d'ailleurs. Il y a par exemple des gisements contemporains de Diacara. Il y en a en France. mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé grand-chose. Du côté de Saint-Brieuc, il y a le Brieuc verrien qui est de l'Ediacarien. Et j'ai des collègues de Rennes qui désespérément essaient de trouver des et ils ont peut-être trouvé un mollusque, une espèce de proto-mollusque dans le Brieuc verrien de Normandie, mais c'est pas sûr. C'est encore une énigmatique. On préfère avoir des choses vraiment beaucoup plus tangibles. Jérémy Bardin, on a évoqué cette faune extrêmement diverse qui explose au moment de l'explosion cambrienne. Est-ce que vous pourriez nous décrire quand même quelques-uns de ces animaux-là? Alors moi, j'ai noté Hallucigenia, Anomalocaris. Voilà, j'avais promis que je me planterais, je me suis planté sur ce nom. Anomalocaris. Donc voilà, c'est des bêtes vraiment cauchemardesques pour nous de notre point de vue. Mais à quoi ça ressemblait? Alors, Hallucigenia, c'est une des bêtes absolument mythiques qui a été trouvée à Burgess et puis après dans d'autres sites d'âge comparable. Et son histoire, l'histoire de sa découverte, sa description, elle est assez marrante. Donc, c'est Walcott en trouve au schiste de Burgess dès le début du 20e et il le décrit comme canadien, un ver polychète. Parce qu'aussi, dans son paradigme de pensée à ce moment-là, il n'est pas prêt à trouver des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, il le compare à ce qu'on connaît à peu près nous. Un verre, oui. Et il faut attendre les années 60-70, pour que toutes ces faunes-là soient reprises de manière un peu systématique par des paléontologues américains, notamment. Et Maurice, alors, redécrit cette bête-là. Donc, je la décris grosso modo. Imaginez un tube. À une des deux extrémités de ce tube, on a un renflement. D'un côté, on a des paires de sortes d'épines, 7 paires d'épines d'un côté, et de l'autre côté, on a une série d'autant de sortes de tentacules. Un tentacule pour chaque paire d'épines. Et donc, à ce moment-là, Maurice, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il appelle ça Hallucigenia, pour dire à quel point, on comprend pas vraiment ce que c'est. Et plus tard, d'autres paléontologues vont les reprendre et ce coup-ci les disséquer un peu plus sérieusement. Et en retirant certaines des couches du fossile, eh bien ils vont comprendre que ce qui semblait être une seule rangée de tentacules, en réalité, eh bien on a des paires. Et ce qui était vu comme des tentacules, peut-être des bouches, va être compris maintenant comme des appendices locomoteurs. Donc ce qu'on pensait être le dos devient le ventre. Donc là, on retourne carrément la bestiole dans son interprétation. Et ensuite, il va y avoir encore d'autres travaux qui vont montrer que le renflement qui semblait être la tête, en réalité, semblerait être des fluides qui sont excrétés au moment de la mort et qui, avec la taphonomie de la bête, forment ce renflement, mais que certainement, ça ne faisait pas partie de l'animal. Donc, cet animal perd ce qu'on pensait être sa tête, et donc la réinterprétation de la bête va être du coup que la tête était de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, comme le disait, parce que Philippe en parlait tout à l'heure, on les voit comme des onychophores, qui sont des sortes de vers avec des paires de pattes comme ça, qui, alors étonnamment, aujourd'hui ne vivent que dans le domaine terrestre. Oui, parce que là on parle d'une biodiversité qui est exclusivement marine. Il n'y avait pas de biodiversité terrestre à ce moment-là. Non. Voilà, Philippe Janvier, donc on évoquait la description d'Hallucigenia, j'évoquais cette Anomalocaris dont le nom signifie étrange crevette. Oui. Expliquez-nous un petit peu Anomalocaris, c'était le plus grand prédateur de l'époque. C'était un petit peu comme une énorme langouste molle avec des ce qu'on appelle les tergites, c'est-à-dire ce que vous utilisez quand vous dépiotez une langoustine, vous savez, vous tirez sur les bords pour la dépiauter, eh bien, ces espèces de morceaux de cette carapace était molle. Et c'est avec justement cet ergite qu'Anomalocaris pouvait nager, un petit peu comme une raie. Et en plus, Anomalocaris avait des espèces d'appendices à l'avant, recourbés, et s'en servait pour saisir les proies. C'était un redoutable prédateur et on pense que c'était un petit peu comme il y a Il n'y a pas d'homologue actuellement, d'équivalent actuel. Il était vraiment au-dessus de toutes les autres espèces animales. Alors, vous évoquez dans cette description-là deux choses capitales pour comprendre aussi cette accélération de l'évolution au moment de l'explosion cambrienne. C'est la mobilité et la prédation. Pourquoi ces deux éléments-là ont fait que potentiellement, ça a eu un impact fort sur la diversification des espèces vivantes à ce moment-là. Oui, et la vision aussi. La vision, oui, parce que la vision aussi est très importante. C'était des arthropodes, ils avaient des yeux composés un petit peu comme les mouches ou les libellules actuellement. Donc, ils avaient une très très bonne vision et ils pouvaient se... La complexification des comportements permet quand même de coloniser aussi de nouveaux espaces. C'est hyper important. Explorer les environnements et plus rapidement et donc voir les proies beaucoup mieux. Jérémy Bardin, ça c'est capital, cet aspect colonisateur de la vie. Avant, les espèces animales végétaient un petit peu au fond des eaux, ne pouvaient pas trop se déplacer, étaient un peu gauche. Là, tout d'un coup, on a des espèces qui changent de comportement, qui explorent de nouvelles niches écologiques. Pourquoi ça peut aussi avoir eu une importance majeure dans l'explosion cambrienne? En effet, on l'a dit au début de l'émission, au départ, maintenant on pense que les premières formes de vie multicellulaires, elles sont plutôt dans des environnements assez profonds, a priori noirs, avec peu d'oxygène. Et en effet, on a à ce moment-là, on en parlait, une espèce de certainement de révolution génétique. D'ailleurs, les études montrent que ils ont pris toute une pléiade d'organismes actuels et ils ont essayé de voir quelles étaient les versions d'un même gène dans tout l'arbre du vivant des animaux. Ce qu'on appelle l'horloge moléculaire en gros. L'objectif c'était vraiment de quantifier à quel moment de l'arbre du vivant on avait beaucoup d'innovations génétiques. Et donc de faire des groupes de gènes qu'on reconnaissait entre les organismes pour savoir entre les premiers métazoaires et les bilatériens par exemple, combien on a de nouveautés. Et donc ils ont montré que au nœud clé de cette apparition de la vie, les bilatériens et les métazoaires. Ce qu'on appelle les métazoaires bilatériens, on rappelle rapidement. Les métazoaires, ce sont ce qu'on appelle les animaux, grosso modo. Mmh. Et les bilatériens, ce sont les animaux qui ont une symétrie bilatérale. Et on va le voir, c'est certainement une des avancées clés. Oui. Parce que le fait de se bilatéraliser, donc d'avoir un avant et un arrière, certainement a joué à une implication dans l'idée de se déplacer dans un sens, ça donne un sens. Et puis cette régionalisation des organismes aussi a permis certainement d'organiser de spécialiser les tissus. Alors je dis pas que c'est un sens qui était préécrit, mais certainement c'est ça qui a permis par exemple la métamérisation, c'est-à-dire que différents segments vont avoir par exemple des paires d'appendices et ces appendices vont pouvoir se spécialiser, certains pour se mouvoir, d'autres pour respirer, d'autres pour attaquer. Donc on a beaucoup d'innovations génétiques à ce moment-là et on a l'apparition. Alors ces grands groupes là, on a d'un côté les protostomiens et les deutérostomiens. Alors peut-être c'est un peu. On peut préciser, grosso modo, les protostomiens, c'est les annélides, les mollusques, les arthropodes. Ouais. Et de l'autre côté, on a les deutérostomiens. Alors c'est selon que le premier trou dans l'œuf qui se développe va donner l'anus ou la bouche. Okay. Donc les deutérostomiens, c'est ceux qui vont avoir ce blastopore, ce trou qui va donner donc la bouche en deuxième, donc l'anus en premier, et qui mène vers les chordés, les vertébrés. Donc à ces moments-là, on a vraiment une redistribution des régulations des gènes qui deviennent très très complexes, et il semblerait que les plans d'organisation, les grands plans d'organisation des animaux se mettent en place assez rapidement à ce moment-là, avec une espèce de flexibilité. Alors, je continue rapidement, mais c'est certainement un des trucs qui explique aussi pourquoi, après, on a moins d'exploration d'une variabilité importante. À ce moment-là, on met en place tous les grands plans d'organisation. Et ces plans d'organisation, ils nécessitent une régulation génétique assez importante. Et donc, on imagine que par la suite, si ces grands plans d'organisation ont finalement peu changé, c'est parce qu'ils contraignent le développement. Et donc, si on a des mutations, des changements dans le développement qui touchent ces premiers gènes, ces gènes qui sont très régulateurs de l'ensemble de la cascade du développement, a priori, il y a plus de chances qu'ils soient délétères. Donc, on aurait comme contraint les possibilités du vivant pour la suite. Et c'est ça qui ferait que on a beaucoup de changements à ce moment-là et un peu moins après. Et on comprend, voilà, l'aspect vraiment essentiel de l'explosion cambrienne dans l'évolution du vivant. À partir de cette brillante explication, Philippe Janvier, on parlait de prédation. Est-ce qu'on a une idée aussi de la chaîne alimentaire qui se met en place à partir de l'explosion cambrienne? Et voilà, il y a aussi cette question de zone trophique qui se met en place aussi à ce moment-là. Expliquez-nous un petit peu comment se construit même à ce moment-là le fonctionnement d'un écosystème tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Eh bien, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'apparition des premiers écosystèmes complexes avec des prédateurs, charognards, etc. Enfin bon, et tout ça était un ensemble qui a constitué l'environnement l'environnement animal et même végétal d'ailleurs, parce qu'il y avait des algues aussi, ne pas les oublier. Bien sûr, qui n'avaient pas encore colonisé la Terre à ce moment-là. Qui existaient à cette époque-là. Et donc, on peut avoir des résonances avec les écosystèmes actuels assez... Quand on connaît bien un écosystème marin actuel, on peut arriver à s'imaginer assez facilement ce qu'était Burgess. D'ailleurs, à cet égard, je voudrais signaler le fait que si vous regardez le site sur Burgess, fait par le Royal Ontario Museum en Ontario, au Canada, vous le trouvez très facilement sur Internet. On va partager le lien sur Twitter. Et il y a de très très belles reconstitutions, des animations en 3D du site de Burgess, où on voit l'effondrement de la falaise, enfin on voit tous les animaux affolés et ensuite on les voit dans leur écosystème quand ils interagissaient entre eux. Donc c'est vraiment c'était un site à recommander. Jérémy Bardin, donc on évoquait cette naissance des écosystèmes au moment de l'explosion cambrienne. Est-ce que cet aspect interactif va lui aussi là accélérer le processus évolutif à l'œuvre et paradoxalement aussi, ou pas paradoxalement, mais en tout cas créer les conditions d'une possible extinction? Extinction de masse, quand je pense, en fait, si je précise ma question, le fait que quand on met en place une chaîne alimentaire, on crée en fait finalement des systèmes hiérarchiques et que s'il y a un problème dans la chaîne alimentaire, finalement tout peut s'effondrer. Est-ce que finalement l'explosion cambrienne n'est pas aussi la naissance des grandes extinctions de masse, enfin en tout cas des conditions de possible extinction de masse? Alors, en effet, donc là on a une complexification de l'écosystème comme ça vient d'être mentionné, mais à ce moment-là, certainement aussi, on a une accaparation des différentes niches, c'est-à-dire que cette augmentation de la diversité, on l'a dit, il y a des organismes qui vont vivre enfouis, on colonise la colonne d'eau, donc on complexifie cet écosystème, mais on voit quand même pendant plusieurs millions d'années après, grosso modo, la même biodiversité, et ça va être suivi ensuite d'un autre grand épisode de biodiversification à l'Ordovicien. Certainement, il va y avoir une compétition entre ces nouvelles faunes qui émergent au Cambrien, mais les faunes purement cambriennes. Mais il y a des choses qu'on ne connaît que au Cambrien, les archéociates par exemple, qui sont des organismes qui font des récifs. Donc, je pense pas qu'en tout cas, à ce moment-là, la mise en place d'un écosystème complexe soit une raison d'engendrer des extinctions. C'était une question que je m'étais posée en préparant l'émission. C'est pour ça que je vous l'ai posée. Mais en tout cas, voilà, vous évoquiez cette biodiversité-là, Jérémy Bardin. Est-ce qu'on a une évaluation précise de la biodiversité globale de l'ère cambrienne? Alors ça c'est une grande question. Classiquement, on a décrit la biodiversité avec la classification linéenne que vous connaissez, les règnes, les phylums, les ordres, les classes, les genres, etc. Donc on a mis tout ça dans des boîtes. Et évidemment, les premières boîtes qui sont créées, c'est-à-dire les premières grandes spéciations à l'origine de ces animaux-là, créent les boîtes les plus inclusives. Évidemment, la plus grande boîte, c'est la vie. Puis après, on a des boîtes, c'est les animaux. Puis à l'intérieur, des arthropodes, etc. Donc évidemment qu'à ce moment-là, on a créé les plus grandes boîtes. Et souvent, on dit... On voit plus de phylum apparaître après, mais il y a un petit peu quand même un artefact de la représentation même de la biodiversité. Évidemment que si demain un organisme venait à faire quelque chose de complètement fou, bah peut-être s'il vient d'un groupe d'arthropodes actuels, eh ben on va pas forcément ériger un phylum à son. Donc la manière dont on représente la biodiversité aujourd'hui, majoritairement c'est sous forme de phylogénie, et donc, à dire si oui ou non on a beaucoup de diversification à ce moment-là, clairement. Mais après, on en a une image qui est, je ne sais pas si elle est complète, hein, évidemment qu'elle est loin d'être complète, parce qu'il y a encore plein de sites, et puis on a plein de gaps encore, enfin de trous dans le registre fossile qui font qu'on va forcément découvrir plein de nouvelles choses. Mais en tout cas, nos changements de représentation nous aident à mieux comprendre l'évolution de la diversité. Philippe Janvier, on comprend là, dans ce que dit Jérémy Bardin, qu'il y a des gaps, il y a des trous dans la raquette. Quelles grandes questions restent à résoudre concernant cette explosion cambrienne? Ah, oui. Vaste programme, il reste 2 minutes. Il y a beaucoup de questions. Bon, c'est une grande question quand même. Quel a été l'impact de ce que Jean Vanier avait appelé à un moment donné le grand labourage? C'est-à-dire quand des petits organismes qui ressemblaient à des vers avaient littéralement labouré le fond marin, avaient tout remué, vous savez, un petit peu comme font les vers de terre qu'on voit après la pluie sur une pelouse, et ils avaient détruit le film bactérien qui reposait sur le qui protégeait le fond un petit peu, qui l'isolait de l'oxygène de l'eau. Et ça a été probablement un événement majeur. Et Jean Vanier a pu démontrer que ces vers que l'on retrouve, qui marquent ce labourage en quelque sorte, qui marque le plancher, qui marque la limite entre les diacariens et le cambrien, on le retrouve dans le monde entier. C'est vraiment très très curieux. C'est une trace fossile qu'on appelle Treptychnus. Jean Vanier a pu démontrer il n'y a pas très longtemps que c'est un priapulien. C'est pas un ver, ça ressemble à un ver, mais ça n'est pas. C'est apparenté aux arthropodes. C'est un ecdysozoaire, c'est-à-dire une sorte de ver, mais qui pouvait muer. Est-ce que vraisemblablement ça a eu un rôle assez considérable dans cette limite entre les diacariens et le cambrien, en oxygénant. Pour la première fois, on pouvait oxygéner le substrat, le fond marin, et donc avec beaucoup d'animaux qui pouvaient à ce moment-là continuer à vivre à l'intérieur de la vase du fond marin. Beaucoup de questions, des questions d'ampleur à résoudre pour expliquer cette explosion évolutive. En tout cas, même s'il n'y a pas de consensus scientifique qui est acquis sur les causes de cette explosion, on peut dire que ça a quand même lancé la machine de façon très efficace. Merci beaucoup à vous deux, Philippe Janvier, Jérémy Bardin, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Céline Nozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Eve Etienne, Alexandra Delbault, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui d'Ali Yara. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.